changer depuis le 9 janvier sur notre feuille de paye. Sarkozy est arrivé, il a dit je fais le paquet fiscal pour mes copains. La République des copains et des coquins, ils se mettent du pognon plein la fille. Et pour l'instant, tous les retraités, zéro. Tous les chômeurs, zéro. Tous les salariés, zéro. Yo, na, ma. Yo, na, ma. Yo, na. Yo, na. Yo, na. Yo, Et au bout les trompettes, et au bout les trompettes, car à toi ma belle pécresse.